بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on continue, on est aujourd'hui dans le cours 99 dans le livre de l'explication du Kitab al-Tawhid avec le charh du Cheikh Abdurrahman ibn Hassan Qurrat Uyun al-Muwahidin et les commentaires du Cheikh Salih al-Fawzan Hafidhahullah Ta'ala. Donc on est en train d'expliquer le chapitre 10, Babun Maja fil dhabh li ghayrillah, ce qui a été mentionné ou rapporté au sujet de sacrifier pour autre que Allah Azza wa Jal, et le fait que ça rentre dans le shirk. On a expliqué dans ce chapitre jusqu'à date les deux premiers versets qui sont mentionnés, plus il y a deux hadiths. Et donc le premier hadith, c'est celui qu'on est en train d'expliquer maintenant. Les quatre phrases que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionnées, il y en a que Allah maudisse celui qui sacrifie pour autre que Allah maudisse celui qui maudit ses parents, que Allah maudisse celui qui protège un criminel ou protège un innovateur, et que Allah azza wa jal maudisse celui qui change les limites d'un terrain. Les limites les barrières d'un terrain qui délimitent l'espace ou la grandeur d'un terrain. Donc tout ça pour dire, on est arrivé à l'explication de ce hadith-là dans les explications de Cheikh Al-Fawzan, et on est arrivé à la dernière partie, la dernière phrase, la quatrième. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit wal kalimatu ar-rabi'ah la'ana Allah man ghayyara manar al-ard al-manar hiya al-alamat li'annaha tunir lin-nas as-sawab min al-haq wa qalu hadha mahmulun 'ala al-marasim allati takunu bayna amlak an-nas ويأتي من يقدمها ويؤخرها عن وضعها من أجل أن يأخذ شيئا من أرض الآخر يقال هذا المرسام المرسام وهذا ملعون وقد جاء في الحديث من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله يوم القيامة من سبع أراضين فالمسألة ليست سهلة قدمت مراسيمك أو قدمت مراسيمك وأخذت من حق جيرانك وانتهى الوضع الأمر وراءه حساب ووراءه عقوبة ومسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى لو أخذت شبرا من أرض شريكك أو أرض جارك نسأل الله العافية وقيل المراد بمنار الأرض حدود الحرم المكي أو النبوي ولا يجوز تغيير الحدود حتى لا يدخل في الحرم شيئا ليس منه أو يخرج شيئا من الحرم وقيل المراد بمنار الأرض العلامات التي على الطريق أو على الطرق وهي اللوحات التي تكون على الطرق تهدي المسافرين فإذا أزيلت أو غيرت ضل المسافرون وربما يحصل بسبب ذلك هلاك وفي الحقيقة أن كل هذه الأمور داخلة في منار الأرض يدخل فيها المراسيم ويدخل فيها أنصاب الحرم ويدخل فيها منار الطريق ولكن النوع الأول هو آكدها وهي المراسيم واقتصر عليه بعض الشراح وهو المتأكد لأنه يفصل بين الحقوق ويمنع الظالم من أن يتعدى. Donc la quatrième partie de ce hadith, ou bien la quatrième phrase dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah a maudit celui qui a changé les indications sur la terre, qui délimite le terrain de quelqu'un. Donc al-manar, la signification c'est yani le signe, ou yani l'indication si on veut. Et donc l'indication ou le signe est important, ou le panneau, c'est important pour savoir justement qu'est-ce qui est correct, de qu'est-ce qui est vrai. Et il dit, on l'applique ici par rapport aux délimitations des différents terrains que possèdent les gens. D'accord? Et souvent, qu'est-ce qu'on fait par rapport, je ne sais pas si dans certains pays c'est différent, mais il y a des arpenteurs qui sont responsables de venir tracer les limites de chaque terrain. Hein, on les appelle des arpenteurs. Et donc, si quelqu'un vient, par exemple, il change la location de l'indication ou du panneau ou de la limite qui vient déterminer que le terrain de quelqu'un commence ou termine à tel endroit, hein, et que la personne, elle l'avance. Elle avance l'indication ou le poteau ou le panneau, elle l'avance ou elle le recule, dans le but de prendre quelque chose du terrain de l'autre. Eh bien, ça fait partie de ces différentes sortes d'injustices-là qui sont interdites en islam. Et la personne qui agit comme ça, elle est maudite, elle est mal'oun. Et il y a un hadith justement qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qui a ce sens-là, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque coupe un empan de, ou bien une distance, même si c'est juste une petite distance de la terre de quelqu'un injustement, on va lui accrocher cette terre-là autour du cou au jour de la résurrection, à partir de cette terre. Ça veut dire que yani, ça va être un châtiment pour lui, parce que ça va être extrêmement lourd. Et donc, le cheikh, il explique, il dit, ça, c'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère, ou penser que ça, c'est facile. Hein? Tu dis, j'ai juste bougé le poteau, ou bien j'ai juste bougé le panneau de quelques centimètres ou de quelques mètres. Ça ne dérange pas, hein? ça ne change rien. Et pourtant, le cheikh, il dit, tu as pris du droit de ton voisin en avançant ou en reculant le panneau qui délimite son terrain. Et donc, tu as pris quelque chose de sa terre qui lui appartient. Et donc, il y aura derrière ça un jugement. Il y aura derrière ça une responsabilité devant Allah et un châtiment. Hein? Il dit, même si tu as pris juste quelques centimètres ou une petite distance de la terre de ton partenaire ou de ton voisin, hein? Qu'Allah nous préserve. Sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le cheikh, il dit, certains savants ont mentionné également que al-manar, ou manar al-ard, il s'agissait de, certains savants ont dit que ça peut également être les délimitation des terres sacrées. Par exemple, les limites du sanctuaire de la Mecque ou du sanctuaire de la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire où commencent les terres saintes ou le lieu saint et où il s'arrête. Hein, où s'arrête et où débute le haram. Donc on n'a pas le droit de changer les indications de ces limites-là, hein, pour faire rentrer dans le haram ce qui n'en fait pas partie, ou pour faire sortir du haram ce qui en fait partie. Et d'autres savants ont expliqué également que manar al-ard, ça peut signifier également les signes ou les indications qui sont sur la route. Par exemple, lorsque tu vas sur l'autoroute, il y a des panneaux de circulation qui indiquent, par exemple, le nom des sorties, le numéro des sorties, ou bien le nom des régions ou des chemins, le nom des rues. Si quelqu'un vient, par exemple, et il change les indications des chemins, il change les numéros, ou il change les noms, ou il change les panneaux, eh bien, ça, c'est très, très grave. Parce que les voyageurs, ils dépendent souvent de ces panneaux pour voyager. Et si on les change, eh bien, les voyageurs se perdent à cause de ça. Et ça peut amener à des choses graves. Hein. Des gens peuvent périr à cause de ça. Des gens peuvent y aller même parfois mourir à cause de situations comme ça. Donc, la réalité, hein, c'est que toutes ces différentes explications-là rentrent dans la signification de Manar al-Ard. Hein. Qu'est-ce que sont les indications qui délimitent les terres? Et toutes les autres explications qu'on a données, eh bien, ça rentre dans cette signification-là. Il dit que il y a les indications des limites des terrains, ou bien des limites de qu'est-ce qui fait partie d'un sanctuaire, ou bien les indications des panneaux routiers. Toutes ces significations-là rentrent dans la signification de ce que signifient les Manar al-Ard. Il dit, certains savants se sont limités à mentionner la première signification seulement, parce que c'est elle qui est la plus claire et la plus certaine par rapport à ça, puisque ça touche à des droits, hein, de certaines personnes. Ça touche aux droits des individus et ça mentionne justement la menace qui découle du fait de tomber dans ce genre d'injustice-là et de la transgression qui est reliée à cela. Donc, j'ai déjà commencé depuis à peu près une quinzaine de minutes. Donc, qu'est-ce que j'ai expliqué jusqu'à date? C'est par rapport au hadith qu'on a lu au dernier, qu'on était en train d'expliquer au dernier cours. La quatrième phrase dans le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit quiconque change les indications de la terre. Par exemple, lorsque quelqu'un a un terrain, il y a un signe ou une indication qui mentionne que ce terrain-là, il débute à tel endroit et il termine à tel endroit. Et donc, si quelqu'un vient puis il avance ou il recule cette indication-là, ben, il risque de priver son voisin, hein, d'une part de son terrain. Et il s'approprie une partie de la terre qui ne lui appartient pas. Et donc, ça, c'est une injustice. Donc, on a expliqué un peu ce hadith avec les explications de Cheikh Al-Fawzan. Et on a mentionné différents exemples à ce sujet-là. Donc, pour continuer, maintenant, on va lire l'explication du Cheikh Abdurrahman ibn Hassan de ce hadith. Et donc, ceux qui n'avaient pas entendu l'explication parce que la radio n'était pas allumée, eh bien, ça va être comme une clarification à ce sujet-là en même temps pour eux, puisque le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan il répète en résumé la signification de ce hadith-là. Donc, le hadith il est rapporté selon Ali radiyallahu anhu et il dit: wa qala haddathani rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi arba' kalimatin la'ana allahu man dhabaha li ghayri allah la'ana allahu man la'ana walidayhi لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم وعلي بن أبي طالب هو الإمام ابن عم النبي hein, Abu al-Hassan al-Hashimi. Donc la kunya de Ali, c'est Abu al-Hassan. Et il est de la tribu de Bani Hashim. Donc il est al-Hashimi. Ibn Amm al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa zawj ibnatihi Fatima al-Zahra. Radiyallahu anhuma. كان من أسبق السابقين الأولين من أهل بدر وبيعة الرضوان وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين يعني ومناقبه مشهورة رضي الله عنه. قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة 40. Donc ça c'est une petite biographie de Ali radiallahu anhu, un petit rappel de certains des points de qui il est. Parce que c'est lui qui rapporte ce hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith est rapporté selon Ali radiallahu anhu et il est rapporté par l'imam muslim. On a dit dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné quatre phrases. La première phrase, que Allah maudisse celui qui égorge pour, ou qui égorge un animal pour autre que Allah. Que Allah maudisse celui qui maudit ses parents. Que Allah maudisse celui qui défend un criminel ou qui protège un criminel ou un innovateur. Et que Allah maudisse celui qui déplace ou qui change les bannières du chemin ou les bannières de la terre. C'est-à-dire les délimitations des terres. Donc, Ali ibn Abi Talib, c'est l'imam. On l'appelle l'imam parce qu'il était un des khulafa al-Rashidin. Et sa kunya, c'est Abu al-Hassan parce qu'un de ses fils s'appelait Hassan. Et il a eu beaucoup d'autres fils. Il a eu al-Hassan ou al-Hussein qui étaient deux de ses fils, mais il a eu d'autres fils également. Et il a eu aussi, il est bien entendu le fils de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est le cousin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est également l'époux de la fille ou d'une des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima, hein, radiyallahu anha. Malgré qu'il a eu d'autres épouses, par la suite, il a eu d'autres épouses après Fatima, radiallahu anha, et il a eu des enfants de d'autres femmes également. Et entre autres, Muhammad ibn al-Hanafiya, hein, c'était un de ses fils, et beaucoup d'autres également. Sauf que certains, ils ne mentionnent que al-Hassan ou al-Hussein, et ils ne mentionnent que sa femme Fatima radiallahu anha, parce que c'était la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est sûr qu'elle a une position et un statut particulier, n'empêche que il a eu d'autres femmes et d'autres enfants aussi, et il est parmi les premiers à avoir accepté l'islam, d'accord, et c'est le premier avec Abu Bakr radiallahu anhu, c'est le premier parmi les hommes. Et le premier parmi les enfants, c'était Ali radiallahu anhu, parce qu'il était jeune à l'époque où il a accepté l'islam. Et il a été parmi les gens qui étaient là depuis le début avec le messager d'Allah. Il a participé à la bataille de Badr. Il a été présent lors de l'allégeance de Bay'at al-Ridwan. Il a été présent dans presque tous les affrontements et les batailles, les expéditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a été parmi les 10 qui ont eu le témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils seront au paradis. Et il fait partie des khulafa ar-rashidin, les successeurs bien guidés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le quatrième après Abu Bakr, Omar et Uthman. Radiallahu anhum ajma'in. Et il a de nombreuses qualités, de nombreuses éloges à son sujet par rapport à des choses qu'il a fait dans l'islam. Il a été assassiné par un khariji, un de la secte des khawarij, qui s'appelait Ibn Muljim. Donc il l'a assassiné pendant la nuit, quand il s'en allait faire la salat de Fajr, et il l'a poignardé pendant qu'il s'en allait, se dirigeait à la salat. Et c'était dans le mois de Ramadan. Et c'était en l'an 40 après la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est un exemple de la lâcheté des Khawarij. Comment ils tuent même les plus pieux de cette Ummah. D'accord? Un parmi les 10 pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné qu'ils seront au paradis. Et malgré ça, ça ne les a pas empêchés. Ça n'a pas empêché les Khawarij de l'assassiner. Subhanallah. La preuve que ces gens-là sont vraiment kilab ou ahl al-nar, les chiens de l'enfer. Sallallahu alayhi wa sallam. Et s'ils sont capables d'assassiner quelqu'un comme Ali, radiyallahu anhu, et comme Uthman, eh bien, ils sont capables d'assassiner n'importe quel musulman dans le monde. Aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner de ces gens-là. Aujourd'hui, il y a Khawarij avec leur groupe Daesh et Boko Haram et Al-Qaïda et d'autres groupes qui sont de la même tendance dans les différents pays musulmans et non musulmans et qui tuent sans aucune pitié tous les gens qui sont pas d'accord avec eux et même des gens qui sont totalement qui n'ont totalement rien à voir avec eux, ils assassinent et ils tuent sans pitié. Nasallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh il dit ensuite: قال أبو السعادات أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله وقوله من ذبح لغير الله. قال شيخ الإسلام قوله وما أهل به لغير الله ظاهره أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا. وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ. وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم. وقال فيه باسم المسيح ونحوه. كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح والزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أو لا. فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. فعلى هذا لو ذبح لغير الله متقربا إليه يحرم أن وإن قال فيه بسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك. وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال إلى آخره. قلت ومن ذلك الذبح للجن. D'accord. Donc on va lire, on va essayer de voir, comprendre qu'est-ce que le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan a mentionné ici. Donc il dit: قال أبو السعادات. أبو السعادات c'est Ibn al-Athir, un des savants de la langue arabe. Et il a un livre d'explication des différents vocabulaires et différents mots dans la sunna, des mots difficiles qui sont dans la sunna, qui s'appelle al-Nihaya. Donc il dit que la base ou l'origine de al-la'n, la malédiction, signifie d'être chassé et éloigné d'Allah. C'est ça que ça signifie al-la'n. Et dans ce hadith, Al-la'n, yani le fait que Allah Azza wa Jal a éloigné et chassé de sa miséricorde quatre types de personnes. Donc, elles sont mentionnées dans ce hadith-là dans quatre phrases. Et la première, c'est celui qui a égorgé pour autre que Allah Azza wa Jal. Et le cheikh, il explique que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a expliqué yani, ce sujet dans certains de ses livres et il mentionne le verset 173 dans Surat al-Baqarah et qui, c'est un verset qui se répète dans plusieurs versets dans le Coran. C'est une parole qui se répète dans plusieurs versets dans le Coran. وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. Et aussi, des fois, c'est inversé. وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. D'accord ? Et qu'est-ce que ça signifie, cette expression ? C'est ce qui a été immolé ou yani, égorgé pour autre que Allah. C'est-à-dire pour des idoles ou bien pour des, yani, des créatures qui sont adorées en dehors d'Allah. D'accord ? Et donc, c'est clair que ce qui est égorgé pour autre que Allah, c'est haram pour nous de le consommer. Hein, ça c'est clair, parce que ce n'est pas permis de manger ce qui est égorgé pour autre que Allah. Et donc dans le verset, il y a la mention de justement le fait qu'il vous est interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc, et ce sur quoi on a invoqué autre que Allah. Et il dit en apparence, donc Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit le sens apparent de ce verset-là signifie ce qui a été égorgé pour autre que Allah. Comme par exemple, lorsque quelqu'un, il va dire ce sacrifice ou cet animal que j'égorge, je l'égorge pour telle personne ou telle chose. Hein? Et donc il dit le Cheikh, si. Qu'est-ce qu'on veut dire par cela ? C'est ça. Alors, dans ce cas-là, peu importe qu'on l'ait mentionné ou non, eh bien, l'interdiction est claire. Hein? Et son interdiction, c'est-à-dire si tu égorges quelque chose pour autre que Allah, hein, que tu le dises ou non avec ta bouche, c'est clair que c'est interdit. Hein? Et c'est encore plus interdit que ce qui a été égorgé pour qu'on mange sa viande au nom de quelqu'un autre que Allah. Par exemple, un chrétien qui égorge la viande au nom de Jésus. D'accord? Même si, quand il l'égorge, il dit au nom de Jésus. Ou bien au nom d'une autre idole que celle-ci, quelqu'un d'autre qu'un chrétien égorge pour une autre divinité ou pour autre chose. Donc il dit kama anma dhabahnahu mutaqarribin bihi ila Allah kana azka wa a'zamu mimma dhabahna lil lahm wa qulna alayhi bismillah. Naam. Donc qala fihi. Donc c'est ça. Il dit tahrim hadha azhar min tahrim ma dhubiha lil lahm. وقال فيه باسم المسيح ونحوه كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله يعني ما ذبحناه للحم ويذكر عليه اسم الله هذا مباح ولكن الذبح لله عبادة إما واجب وإما مستحب. Donc ici, le cheikh explique, il dit, comme si nous, on a égorgé un animal pour se rapprocher d'Allah. Hein? Ça, c'est plus pur et plus grand que ce qu'on a égorgé pour manger sa, donc, pour quelque chose qu'on a égorgé pour, dans le but de manger sa viande et qu'on a dit, yani, en l'égorgeant, au nom d'Allah. D'accord? Donc ici, le cheikh, il explique que ce qu'on a égorgé en disant Bismillah uniquement pour manger la viande, hein, eh bien, ça c'est permis de le faire. C'est permis de le faire parce que c'est, yani, pour manger. Mais ce qu'on égorge pour Allah, en adoration pour Allah, c'est soit parce que c'est obligatoire de le faire, ou soit parce que c'est recommandé de le faire. Et donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il donne cet exemple-là pour faire comprendre, en réalité, la différence entre les deux choses. Et donc, pour vous illustrer ça de façon plus claire, on va donner les deux exemples, un à côté de l'autre. Quelqu'un qui égorge un animal en disant au nom de telle idole ou de telle personne, d'accord? Donc ça, on sait qu'on n'a pas le droit de manger cet animal-là. Et lui, il égorge cet animal dans le but de manger sa viande. D'accord? Donc il dit au nom de Jésus, au nom de telle ou telle idole, d'accord? Pour égorger cette viande-là pour pouvoir la manger. D'accord? Ça veut dire que cette viande-là, elle est plus licite pour nous. D'accord? Mais celui qui égorge un animal pour autre que Allah, en adoration pour cette idole ou pour cette créature en dehors d'Allah, eh bien ça c'est encore plus clair dans son interdiction. Hein? C'est encore plus clair dans son interdiction que celui qui l'égorge pour manger sa viande et qui dit au nom de Jésus ou des choses de ce genre. Donc ça, c'est une petite nuance ici que le cheikh il rapporte pour mentionner la différence entre les deux. Le fait de d'égorger au nom d'autre que Allah et le fait d'offrir la viande à autre que Allah en adoration. Les deux sont différents. Les deux, leur viande est haram, mais il y en a une qui est plus grave encore que l'autre, c'est-à-dire la viande qui est offerte en adoration à autre qu'Allah, ou l'animal qui est égorgé en adoration pour autre que Allah. Ça, c'est plus grave que d'égorger au nom d'autre que Allah. Donc, j'espère que c'est un peu plus clair maintenant. Et donc, le cheikh, il donne l'exemple par rapport à qu'est-ce qui est correct. C'est la différence entre le fait d'égorger un animal au nom d'Allah pour manger la viande et le fait d'égorger un animal, yani, pour adorer Allah, comme lorsque par exemple on fait un sacrifice à Allah ou bien on fait un sacrifice comme par exemple pour Eid al-Adha, hein, ou bien une aqiqa, hein, ou bien quelque chose de ce genre, yani, une offrande. Donc ça c'est une adoration qu'on fait pour Allah et on égorge au nom d'Allah et pour Allah. Et en d'autres moments, on égorge pour manger la viande au nom d'Allah. Donc les deux sont différents. Il y en a un qui est licite et l'autre qui est soit obligatoire ou recommandé. Après, le cheikh il dit فَإِذَا حَرَّمَ مَا قِيلَ فِيهِ بِسْمِ الْمَسِيحِ وَالزُّهْرَةِ أو الزَّهْرَةِ وَالزُّهْرَةِ فَلِأَنْ يَحْرُمَ مَا قِيلَ فِيهِ لِأَجْلِ الْمَسِيحِ وَالزُّهْرَةِ أَوْ قُسِدَ بِهِ ذَلِكَ أَوْلَى. Donc, il explique ici que si on va rendre haram la viande qui a été égorgée en mentionnant le nom de Jésus ou en mentionnant le nom d'une idole quelconque, on va dire cette viande elle est haram parce qu'on l'a égorgée en mentionnant le nom d'autre que Allah. Mais si ça c'est le cas, alors d'interdire une viande qui a été égorgée par adoration pour Jésus ou bien pour une idole quelconque, c'est encore plus haram. Parce que c'est une adoration à autre que Allah. Et c'est beaucoup plus grand comme kofr que d'égorger en demandant l'aide d'autre que Allah. Les deux sont de toute façon, les deux c'est du shirk. Mais le fait de mentionner le nom d'autre que Allah en égorgeant un animal et le fait d'offrir l'animal à autre que Allah, ça c'est les deux, c'est yani, le deuxième est beaucoup plus grave, hein, parce que tu le fais par adoration pour autre que Allah, tandis que l'autre tu le fais pas nécessairement par adoration pour autre que Allah, mais tu mentionnes le nom d'autre que Allah soit pour la bénédiction ou soit pour une autre raison de ce genre. Et donc ça, dans tous les cas, les deux, dans tous les deux cas, la viande elle est haram, mais c'est sûr que lorsque c'est fait avec du shirk, dans le but d'adorer autre que Allah, que tu égorges un animal pour te rapprocher d'autre que Allah, ça c'est clair que c'est plus shirk encore, plus, c'est plus grand comme kofr. C'est ça que Ibn Taymiyyah a dit. Donc il dit فَإِنَّ الْعِبَادَ لِغَيْرِ اللَّهِ أَعْظَمُ كُفْرًا مِنَ الْاِسْتِعَانَةِ بِغَيْرِ اللَّهِ. Il dit فَعَلَى هَذَا لَوْ ذُبِحَ لِغَيْرِ اللَّهِ مُتَقَرِّبًا إِلَيْهِ يَحْرُمُ وَإِنْ قَالَ فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ. Et c'est ça aussi ici la nuance importante à comprendre, c'est que si une personne égorge un animal dans le but de se si quelqu'un égorge un animal pour autre que Allah, en voulant se rapprocher d'autre que Allah, hein, eh bien, dans ce cas-là, cet animal-là, elle sera haram à manger, même si la personne a dit Bismillah en le faisant. Donc ça, c'est là qui est la nuance à comprendre, en fait, entre les deux cas. Et il dit, ça, c'est l'exemple de ce que font, par exemple, un groupe d'entre les hypocrites de cette Ummah qui se rapprochent à des astres et qui égorgent. Ils font des sacrifices ou ils égorgent des animaux pour les étoiles. Et ils mentionnent aussi qu'ils brûlent des choses, hein, soit des al-bukhur, c'est les encens ou des choses comme ça. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils font comme le fait de brûler des encens, peut-être pour des idoles ou des astres ou des choses de ce genre. Si c'est le cas, le cheikh il mentionne ça comme étant des exemples de shirk. Et puis il dit si ces gens-là sont des apostats, eh bien c'est clair qu'on n'a pas le droit de manger leur viande. Dans toutes les situations, peu importe. Et il y en a d'autres également qui font des sacrifices d'animaux pour les djinns. Hein? Et on a mentionné des exemples de ça au dernier cours. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit al-dhabhu lil-djinn lil-ibadah. أو الذبح للجن لاتقاء شرهم أو الذبح للجن عندما ينزل منزلا أو يعمل مصنعا أو يعمل مشروعا يذبح للجن عند بداية المشروع لأجل أن لا يضروه. Donc le cheikh il dit que celui qui égorge pour les djinns par adoration pour les djinns, ou bien parce qu'il cherche à se préserver du mal des djinns, parce qu'il ne veut pas que les djinns lui fassent du mal, donc il leur fait un sacrifice, ou bien il égorge pour les djinns lorsqu'il va construire une maison, ou construire une manufacture ou une entreprise, il va commencer un projet, et donc il va faire un sacrifice pour les djinns au début de ce projet-là, dans le but de... qu'il ne lui fasse pas de tort ou qu'il ne lui fasse pas de mal ou qu'il ne l'attaque pas. Donc ça c'est du shirk. Tout ça c'est du shirk. Allah musta'an, c'est du kufr. Et le cheikh il dit wa qawluhu la'ana Allah man la'ana walidayhi يعني أباه وأمه وإن علوا. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله هل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه فيسب أمه. Donc ici le cheikh il explique que la deuxième phrase dans le hadith, c'est la malédiction d'Allah sur celui qui a maudit ses parents. C'est-à-dire, peu importe que ce soit sa mère, ou son père, ou son grand-père, ou sa grand-mère, en montant. Et il dit que, il est rapporté dans le Sahih, à ce sujet-là, un hadith qu'on a mentionné au dernier cours également, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que d'insulter les parents de quelqu'un, c'est parmi les kaba'ir, les grands péchés. Et quelqu'un a posé la question au messager d'Allah, « Oh, messager d'Allah, est-ce qu'un homme va insulter ses parents ?» Et il a répondu en disant « Oui ». En insultant le père d'un homme, alors l'homme va répondre en insultant son père à lui. Et en insultant la mère de quelqu'un, eh bien cette personne, elle va insulter sa mère en retour. Donc, étant donné que la personne, elle insulte les parents de quelqu'un, eh bien il va indirectement faire en sorte que cette personne-là insulte ses parents à lui. Donc c'est comme s'il avait insulté ses parents parce qu'il a été la cause dans le fait que les gens insultent ses parents. Et donc, si tu veux pas que tes parents soient insultés, et tu veux pas insulter tes propres parents, n'insulte pas les parents des autres. C'est ça que ça signifie. Et la troisième partie de ce hadith, la troisième phrase, « La'an Allahu man awa muhdithan » ou « muhdathan ». Donc il y a les deux significations. Il dit wa huwa bi fathi al-hamza mamduda ay yani dammahu ilayhi wa hamahu wa amma muhdithan faqala Abu Sa'adat yurwa bi kasr ad-dal wa fathiha 'ala al-fa'il wal maf'ul. Fa ma'na al-kasr man nasara janiyan wa awahu وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه والفتح والفتح هو الأمر المبتدع نفسه يكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر فإنه إذا ارتضى بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه وقال ابن القيم رحمه الله هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. Donc ici la quatrième phrase ou non la troisième phrase dans le hadith Non, c'est ça. Avant ça, le cheikh il explique, il dit, cheikh Al-Fawzan, à propos de la troisième phrase, il dit, وَاللَّعْنُ مُحَرَّمُ وَلَوْ لِغَيْرِ الْوَالِدَيْنِ لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ لَيْسَ بِالطَّعَانِ وَلَا بِاللَّعَانِ فَكَيْفَ إِذَا كَانَ لِلْوَالِدَيْنِ. Donc il dit, le cheikh, que le fait de maudire, c'est haram en soi. C'est pas seulement pour le fait de maudire les parents qui est haram. C'est le fait de maudire les gens de façon générale. Et donc, il dit que le croyant, il ne doit pas être celui qui maudit tout le temps et celui qui insulte tout le temps les gens. Alors, que dire de celui qui insulte les parents hein? Donc, c'est grave. Et donc, pour revenir à la signification de la troisième phrase, que Allah maudisse celui qui a défendu ou protégé un criminel. Donc, il y a les deux lectures de ce hadith-là. Il y a les deux versions. Muhdathan et muhdithan. Avec la fatha et avec la kasra. Donc, le cheikh, il cite la parole de Abu Sa'adat. Abu Sa'adat, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Ibn al-Athir. Abu Sa'adat, c'est un savant de langue arabe. Et son nom, c'est Majduddin Ibn al-Athir. Al-Shaybani. Donc son nom c'est Muhammad Majduddin Abu Sa'adat Al-Mubarak Ibn Muhammad Ibn Abdul Karim Al-Shaybani. Subhanallah. Donc c'est son père, son grand-père et son arrière-grand-père s'appelaient Muhammad les trois. Donc il est c'est ça. Donc, il est né en 544, il est mort en 606 de la Hijra. Donc, Abu Sa'adat ibn al-Athir. Il a écrit le livre An-Nihaya, qui est comme un dictionnaire des mots de la Sunna qui sont moins connus et donc qui sont définis, expliqués dans son livre. Et ici, le cheikh, il explique que Abu Sa'adat a dit que le hadith est rapporté avec la kasra sur le dal, hein, muhdathan, muhdithan avec la kasra, et muhdathan avec la fatha. Et donc quand c'est avec al-kasra, c'est pas, ça veut dire que muhdith c'est al-fa'il, c'est celui qui fait l'action, et quand c'est avec la fatha, hein, muhdath, c'est al-maf'oul. C'est al-maf'oul, c'est l'objet. Donc le sujet est l'objet. Donc la signification de muhdith avec la kasra, c'est-à-dire celui qui défend un criminel. Celui qui défend un criminel et qui le protège de son opposant ou de la personne à qui il a fait de l'injustice ou un crime contre, il a fait un crime contre lui, et qu'il le protège ou il le défend de ce que la justice soit appliquée sur lui. Donc, il est maudit. Hein? Et l'autre narration avec Al-Fath, Muhdathan, eh bien, le cheikh, il dit, c'est la chose qui est innovée, la chose qui est inventée dans la religion, la bid'a. Hein? Donc, la signification ici de Al-Iwa, c'est la signification d'être satisfait de cette bid'a, hein, et d'être endurant dans cette bid'a, et d'agréer cette bid'a. Donc, celui qui l'a agréé, cette bid'a, et qui a approuvé, celui qui l'a fait, et qui n'a pas condamné cette bid'a lorsqu'elle est pratiquée, alors il l'a défendue. C'est comme s'il l'avait, hein, il avait protégé cette bid'a. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il clarifie à ce sujet-là que cette kabira, parmi les grands péchés, elle est différente, elle va être différente dans son degré de sévérité et de gravité selon la différence du crime lui-même. C'est-à-dire selon le degré du crime. Donc si quelqu'un protège un criminel, selon le degré de son crime, eh bien la gravité de ce péché-là va être plus, c'est-à-dire la gravité de le défendre va être bien différente selon le crime. D'accord? Et donc plus le crime est grand, plus le péché de le protéger est grand. Et la dernière partie ou la dernière phrase de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit voilà an Allahu man ghayyara manar al-ard yani bi fath al-mim ala ma tuhududha wa hiya allati tuwda'u li tamyiz haqq ash-shuraka idha iqtasamu ma baynahum fi al-ard wad-dur qala fi an-nihaya ay معالمها وحدودها قلت وذلك بأن يرفع ما جعل علامة على تمييز حقه من حق شريكه فيأخذ من حق شريكه بعضه فهذا ظلم عظيم وفي الحديث من ظلم شبرا من الأرض طوقه طوقه من سبع أراضين يوم القيامة فما أجهل أكثر الخلق حتى وقعوا بجهلهم وظلمهم فيما يضرهم في دنياهم وأخراهم وذلك لضعف الإيمان بالمعاد والحساب على الأعمال والجنة والنار نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. Donc ici le cheikh il explique que la quatrième phrase dans ce hadith, Allah a maudit celui qui change les indications de la terre, les indications qui délimitent le territoire ou la terre d'une personne. Et donc, c'est les signes que les partenaires vont mettre lorsqu'ils ont un terrain commun et qu'ils ont divisé ce terrain-là entre eux. On a mis des signes ou des indications pour déterminer la part de chacun, hein? Et donc quelqu'un vient pour essayer de changer les délimitations de la partie de l'autre, hein? Soit pour priver l'autre d'une partie de son terrain, ou bien pour s'accaparer d'une partie de ce qui lui appartient. Et donc, le cheikh, il dit, ça c'est yani, le fait de retirer les bannières qui délimitent et qui distinguent le droit de chacun des partenaires dans un terrain. Et donc, de prendre le droit de son partenaire et de prendre une partie de son terrain. Ça, c'est une grande injustice. Et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quiconque fait une injustice, même si c'est une petite distance de la terre, eh bien, on va lui accrocher au cou à partir de cette terre au jour de la résurrection. Donc, cette terre, cet espace qu'il a volé, on va lui accrocher au cou et rajouter cette terre, comme si c'était sept fois la terre de cet espace-là va être ajoutée dans son cou au jour de la résurrection. Et ça, c'est pour un châtiment pour lui, pour qu'est-ce qu'il a fait. Donc, il dit, comme les gens sont ignorants, comme il y a de nombreux ignorants, malheureusement, qui tombent dans ce genre de choses par ignorance, ils ne savent pas qu'en faisant cette injustice-là, ils se font du tort à eux-mêmes, dans leur dunya et dans leur au-delà, à cause de la faiblesse de la foi en la résurrection et au jugement, hein, et des œuvres qu'on fait, et de l'enfer et du paradis. Donc on demande à Allah Azza wa Jal de nous épargner, hein, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et si quelqu'un il a fait quelque chose comme ça, il doit, comme on dit, come clean, comme on dit en anglais. You have to come clean, ça veut dire, tu viens et tu clarifies ton erreur. Hein? Tu viens voir la personne et tu lui dis, écoute, je m'excuse, j'ai commis une injustice envers toi. J'ai déplacé la délimitation de ton terrain pour prendre une partie, et que Allah me pardonne, je te remets la part qui te revient. Voici ton terrain. Hein? Ça, c'est la meilleure attitude à adopter. Mais il y a des gens, ils préfèrent essayer de mentir ou de cacher la vérité. Et des choses comme ça peuvent créer des disputes entre des familles, des générations après. Hein, ça continue l'animosité entre les gens des générations après des générations parce que des injustices ont été faites sur des terres comme ça, et des gens se sont appropriés des terres qui ne leur appartiennent pas, et puis ça a créé des conflits très graves des fois entre des familles. Donc si les gens savent qu'il y a une injustice, hein, et que quelqu'un a fait un crime comme ça, il a volé la part de quelqu'un, il doit admettre qu'il a eu tort et se repentir à Allah. Et c'est comme ça que les sahaba étaient. Lorsque les sahaba faisaient une faute, ou ils savaient qu'ils avaient commis une erreur, aussitôt qu'ils savaient que cette chose-là n'était pas correcte, ils revenaient, hein? Ils se repentaient à Allah et ils admettaient leur tort et ils revenaient corriger l'erreur tout de suite. Donc ça, c'est l'exemple des sahaba, comment ils agissaient. Et donc, nous aujourd'hui, on a besoin de revenir à l'exemple de nos salafs. Comment eux, ils agissaient face aux erreurs et face aux fautes. Des fois, on a l'impression que les gens veulent toujours montrer qu'ils sont toujours parfaits et qu'ils ne font jamais d'erreurs ou de fautes. Et quand ils font une faute, ils essaient de la cacher ou de la nier. Hein, et ils pensent qu'en cachant la faute ou en niant la faute, eh bien, ils vont être épargnés du mal. Alors que ça, c'est pas la bonne attitude. Alaykoum salam. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. La bonne attitude, c'est d'admettre que tu as fait une erreur, que tu as fait une faute, et de revenir sur cette faute-là, et de te repentir, de demander pardon aux gens à qui tu as fait de l'injustice. Ça, c'est la meilleure chose à faire.